as la ligne de basse? Est-ce que tu as la ligne de basse? Well, yeah. Donner les paroles en français. La basse. Call it magic, call it true. When I'm with you, and I don't know. It's true. I don't know when anybody asks you. Whoa. Yeah. Est-ce que tu as trouvé la basse? Est-ce que tu as trouvé la basse? Je crois que ça va venir. Est-ce que tu as trouvé la basse? When she was just a girl, she expected more, but it flew away from an issue. She ran away and dream of my paradise. And every time she's closed her eyes, she's closed her eyes. Ooh, come on. Yeah. Canada ce soir, Mr. DJ Yo. Lady and gentlemen, à la basse, c'est facile, il s'appelle Bass. Il a certainement un prénom. Mais il s'appelle Bass. Et nous avons notre ami Jean-Pierre. Jean-Pierre toujours fidèle à Nebot Bass. Jean-Pierre, le roi de l'orgue. Est-ce que ça va, Jean-Pierre? Est-ce que tu vas bien, Jean-Pierre? Tu vas, Jean-Pierre? Chercher des paroles. Pourquoi tu pleures? Ça y est, j'ai trouvé les paroles. J'ai trouvé les paroles, mais il y a la publicité. C'est pas passé. On va recommencer. 1, 2, 3, 4. Allez, c'est parti. Pourquoi tu pleures? Ah merde, trop fort. Pourquoi j'ai monté le son? On va recommencer. Il est où mon piano? Il a le piano. Il y a la batterie qui est là. J'ai un petit réglage. 1, 2, 3, 6. Mesdames et messieurs, une chanson avec Jean-Pierre à l'orgue. Yo du Canada qui joue tous les instruments. À la basse, il s'appelle basse. Pourquoi tu pleures? Pour qui pleures-tu? Pour quelle jeune fille en fleurs? Un bien modeste vertu perdu. Pour rien, car pour toi, je ne suis presque rien. Pour rien, partout pour moi, tu n'es plus rien. Pourquoi tu pleures? Pourquoi t'as bu? Pour quel noceur, quel moqueur, quel coup tordu? Pour rien, car pour toi, je ne suis presque rien. Pour rien, car pour toi, je ne suis presque rien. Allez les musiciens, c'est parti! Je veux vous entendre, je veux entendre vos solos. Exprimez-vous! Exprimez-vous, chacun son tour, bien sûr. J'aimerais entendre à la basse, Monsieur Basse. À la guitare, c'est Yo-Yo. Yo, Canada. Allez, Yo. Allez, lâche-toi, Yo. Exprime-toi. Allez, ce soir, c'est la soirée du Canada. J'aime bien le Canada. Pour qui pleures-tu? Pour quel déshonneur, quel désolement, quel temps perdu? Pourquoi tu pleures? Pour qui pleures-tu? N'as-tu pas d'honneur, point d'amour propre, point de vertu? Pour rien, car sans moi tu n'es presque rien. Oui, pour rien, car sans moi tu n'es presque rien. Pourquoi tu pleures? Pour qui pleures-tu? Pourquoi pourquoi tu pleures? Pour qui pleures-tu? Allez! Toi, J6. C'est à toi, J6. Exprime-toi. Et Jean-Pierre, tu peux t'exprimer aussi. J'aimerais écouter Jean-Pierre. Jean-Pierre à la flûte de Pan ce soir. Je crois que c'est une flûte de Pan, Jean-Pierre, c'est ça? Piano. Piano. J'entends ta basse. Et Jean-Pierre, elle se flûte de pan. Yeah. Pourquoi tu pleures? Pour qui pleures-tu? Pour quelle jeune fille en fleurs? Un bien modeste vertu perdue. Pourquoi tu pleures? Pourquoi t'as vu? Pour quelle noceur? Quel moqueur? Quel coup tordu? Allez! Allez yo! Allez yo, fais-toi plaisir. Et bonsoir Fredo de la Belgique. Fredo à la basse. Ah, un bassiste, un deuxième bassiste à la fois. Fred, j'aime bien Fred comme prénom. C'est mon frère qui s'appelle Fred. Pourquoi tu pleures? Pour qui pleures-tu? Pour quelle jeune fille en fleurs? Un bien modeste vertu perdu. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Allez, solo. J'entends la basse de Fredo. Allez Fredo à la basse. Un petit solo de Fred à la basse. Allez Fred, c'est à toi. Fais-toi plaisir Fredo. Entendre, vous exprimer. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Entendez la guitare. J'aime bien cette guitare. Bon ça. Des basses, je veux entendre des basses. Et maintenant, je vais juste laisser la batterie. Pleures-tu? Quelle jeune fille en pleurs, un bien modeste vertu perdu. On va te remettre les synthés. Yeah. c'est les serviteurs. Piano. Texte Benjamin Biolay. C'était pas moi. C'est pas du tout la même chanson d'ailleurs. Je sais même pas ce que c'est l'original. 18h46 sur FM 63. Bien mes chers, il est l'heure de retrouver le journal. Bravo. Dans quelques instants, votre journal régional France 3 Auvergne. Karma Compo Infinity Luxe.